un des points les plus importants, isti'mal ar-rahma war-rifq bil-mad'uwin, le fait d'utiliser la douceur avec ces gens que tu veux ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit la base dans da'wah, la base dans le prêche, c'est la douceur. Et on utilise la dureté lorsque c'est sage d'utiliser la dureté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Allah s'adresse à son messager et lui dit, c'est par quelques miséricordes de notre part que tu as été si doux envers eux. Envers qui? Envers les compagnons. Et si tu avais été dur, si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient éloignés de toi. Je vous pose une question. À qui on s'adresse dans ce verset? Si tu avais été dur, au cœur rude, à qui nous nous adressons dans ce verset? Hein? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. N'est-il pas la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou non? Non. À qui, de qui nous parlons lorsque nous disons il se serait éloigné de toi? Les compagnons. Qui avaient les cœurs les plus purs après les messagers et les prophètes? Les compagnons. Ben quand bien même la meilleure créature ferait sa da'wah à des personnes ayant le cœur le plus pur, lorsqu'on délaisse, si on avait délaissé la douceur et on avait utilisé la dureté, ces gens-là n'auraient pas accepté. Et toi, tu n'es pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux à qui tu parles ne sont pas les compagnons radiallahu anhu. Alors, utilise la douceur si tu veux avoir des résultats. Et avant même de dire si tu veux avoir des résultats, si tu veux que ta da'wah soit en conformité avec la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième passage dans le Coran qui nous montre cela de manière explicite. Dans sourate Taha, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allah subhanahu wa ta'ala. Les frères, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que c'est un bon comportement dans une mosquée, lorsque nous récitons les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, de parler avec son voisin et de rire? Qu'est-ce que tu en penses, Hussein? C'est un mauvais comportement. Qu'est-ce que tu en penses, Akhan? C'est un mauvais comportement. Abou Anes, qu'est-ce que tu en penses? Ton sourire est une réponse. Je pense la même chose que vous. Je pense que c'est un mauvais comportement. Revenons au verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en s'adressant à Moussa et Harun, parmi les meilleurs prophètes et messagers, ce qui concerne Moussa, alayhi salam, allez auprès de Pharaon, il a certes dépassé les limites, il a transgressé. Il a transgressé en faisant quoi? En disant Ana rabbukumul a'la. En faisant quoi? En opprimant les fils d'Israël, et en faisant et en faisant, en interdisant l'adoration d'autre que sa propre personne, wal'iyadu billah. At-Tarut, Pharaon, on lui a envoyé Moussa et Harun. Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne dans ce verset en disant, dites-lui des paroles douces. Utilisez donc la douceur. Peut-être se rappellera-t-il, peut-être me craindra-t-il. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas bi kulli shay'in alim? Allah sait tout. Le passé, le futur, ce qui est, ce qui n'est pas. Si cela avait été, comment cela se serait déroulé? Donc Allah savait que Pharaon n'allait pas croire. Mais pourtant, il a ordonné à Moussa et Harun de l'appeler à revenir vers Allah avec douceur et avec douceur et miséricorde. Pour leur enseigner, manhaj ad-da'wa. Et pour que nous, par la suite, suite, qui allons lire le Coran, trouvons ce chemin-là et ce comportement-là à avoir dans le prêche. Et en rapport avec ce verset, une histoire qui s'est passée chez les salafs. Un homme a voulu faire nasiha à un autre. Il lui a dit, je vais te parler, accepte de moi et je vais te parler sèchement et durement. Et on dit que cet homme-là, c'était Harun Rashid, à qui on s'adresse. Alors il l'a regardé et lui a dit, Ya Had, ô toi qui veux me conseiller, Anta lesta afdal min Moussa. Wa ana lestu aqbah min Fir'aun. Wa qad amara Allah Moussa bi isti'mal al-lil ma'a Fir'aun. Fala sam'a lak. Cet homme lui a répondu, ô toi qui veux me conseiller, t'es pas mieux que Moussa. Et je ne suis pas pire que Pharaon. Et pourtant, Allah a ordonné à Moussa de parler avec douceur à Pharaon. Donc, dans ce verset, il y a un grand enseignement pour nous. De parler aux gens avec douceur. De parler aux gens avec miséricorde. Et la douceur, c'est pas une faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala aime la douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. On ne la retire pas d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Donc ça, c'est un comportement à avoir. Et Abu Darda radiallahu anhu, le sahabi al-Jalil, marchait. Et en chemin, il a vu un groupe d'hommes réprimander un autre groupe. Réprimander un autre groupe. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi il réprimandait cet homme-là? Car il avait commis des péchés. Il lui parlait mal, il lui jetait l'anathème, et ainsi de suite. Il est venu et leur a demandé ce qu'il se passe. Ils lui ont expliqué la situation. Il leur a dit, chers frères, voyez-vous, si cet homme à qui vous vous adressez était tombé dans un puits ou dans un trou, qu'auriez-vous fait? Je vous pose la question à vous. Si vous voyez un homme qui est tombé par terre ou dans un trou et qui est dans une situation extrêmement difficile, est-ce que tu viens et tu l'engueules parce qu'il est tombé? Ou tu l'aides d'abord et ensuite tu lui demandes ce qui se passe? Ils lui ont dit non, on leur a aidé à sortir du trou. Il dit, votre frère est tombé dans un trou. Aidez-le à s'en sortir. C'est une image pour dire, lorsque la personne tombe, ne la fais pas. Et elle ne creuse pas encore plus pour qu'elle tombe. Essaye de la faire sortir. Ensuite, tu lui parles et tu lui fais d'arbre et ainsi de suite. Amma, si tu vas voir tous les pécheurs dehors et tu lui dis, toi tu fais ça et toi tu fais ça et toi tu fais ça. Et les gens de nos jours sont égarés, il n'y a pas de bien dans la communauté, et kada, et kada, et kada. À ce sujet, le prophète l'a dit, Man qala fasad an-nas fa huwa afsadu. Le fait de critiquer, critiquer, critiquer, critiquer, ça ne ramène pas le bien. Non. Sors les choses positives de la communauté et essaye de les répandre. Cherche les mots et essaye de les corriger. À ce moment-là, la communauté va se réformer et s'améliorer, bi'idhnillah. Le point suivant, al-hikma, la sagesse. Al-hikma, wad'u shay fi mawdi'ihi al-la'iq. Bihi. Al-hikma, c'est de mettre la chose dans, yani, où il faut, où il convient de la mettre, au moment où il convient de le faire, de la façon la plus sage, ou la plus adéquate. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne cela, et ordonne cela à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله dit dans le Coran, appelle au chemin de ton Seigneur. S'il y a la sincérité, appelle au chemin de ton Seigneur. بالحكمة, avec sagesse. والموعظة الحسنة, et la bonne exhortation. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ et discute avec eux de la meilleure façon. Dans ce verset, il y a la manière de faire da'wah. وَمَعْرِفَةُ حَالِ الْمَدْعُوِينَ et le fait de connaître l'état de ceux à qui tu fais da'wah. Parmi la sagesse, le fait de savoir à quoi tu dois appeler. Parmi la sagesse, le fait de savoir à qui tu parles. À qui tu parles, afin d'adapter ton discours. Le fait de savoir à quoi tu dois appeler, dans ce verset, il y a la réponse. Il a sabili rabbik, au chemin de ton Seigneur. Qul hadi sabili ad'u ila Allah, t'appelles à Allah. Fi hadith Mu'ad, fi sahih al-Bukhari ou fi sahihayn, na'am. Lama arsala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Mu'adhan ila al-Yaman, qala la. Awalan, il a choisi qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Mu'ad, qui faisait partie des savants, qui faisait partie des fuqaha. Donc ça n'est pas toute personne qui doit parler. Deuxièmement, il lui dit innaka ta'ti qawman ahla kitab, tu vas te rendre un peuple des gens du livre. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit ça? Pour qu'il adapte son discours, pour qu'il se prépare. Ce sont donc des gens qui ont reçu un livre. Les juifs et les chrétiens, ce sont donc des gens qui ont des ambiguïtés, des gens qui ont du in, des gens qui ont un livre et qui vont te répondre. Tu devras donc savoir discuter avec eux et les réfuter. Donc, tu dois adapter ton discours selon la personne qui se trouve en face de toi. Tu ne fais pas da'wah à quelqu'un d'adulte comme un jeune, à une personne âgée comme un jeune. Tu ne fais pas da'wah à un jeune comme tu fais da'wah à un enfant. Tu ne fais pas da'wah à tes propres parents comme à des étrangers. Tu ne fais pas da'wah aux femmes de ta famille, à tes enfants, à ceux qui sont sous ta responsabilité, comme à ceux qui sont dehors. Tu dois adapter ta da'wah. Dans ce hadith, donc, innaka ta'ti qawman ahla kitab. Tu vas te rendre à un peuple des gens du livre. Revenons au verset. Dans ce verset, appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse, la bonne exhortation. Et discute avec eux de la manière la plus convenable. Ici, les savants ont dit qu'on a divisé les gens à qui nous adressons en trois. Ceux qui sont ignorants, qui, s'ils avaient su la vérité, l'auraient suivi. Ceux-là, on les appelle avec sagesse, on leur transmet la vérité avec douceur. Pas besoin de mada, de discuter longtemps. Non, il ignore la vérité. Si tu lui enseignes, ceux-là, ils vont le faire. Il prie pas comme le prophète sallam priait, mais il ne sait pas, il n'a appris que cela. Viens et enseigne-lui, montre-lui le hadith. Il va t'écouter, il va te suivre. Il va dire subhanallah, je ne savais pas, jazakallahu khair. Celui-là, il y a du bien en lui. Tu lui transmets cela et il mettra en pratique. Ensuite, wal maw'izatil hasana, avec la bonne exhortation. Ce sont pour les gens qui savent la vérité, mais ils ont de la paresse ou ils suivent leur passion. Le cœur s'est endurci. Ils sont dans un endroit où ils ont du mal à suivre le chemin de la droiture. Ces gens-là ont besoin d'une exhortation. Tu leur appelles le paradis, tu leur appelles l'enfer, tu leur cites les versets, tu leur cites les ahadiths, tu leur fais peur d'Allah subhanahu wa ta'ala de son châtiment. Tu leur fais montrer que les gens qui savent et qui n'agissent pas font partie des gens qui recevront la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Si Allah ne leur fait pas miséricorde, et ainsi de suite. Tu lui parles du paradis, tu lui parles de l'enfer. Tu lui fais reconnaître les bienfaits d'Allah sur sa personne. Et tu lui dis d'être reconnaissant envers ses bienfaits. Tu fais bouger son cœur, bi'idhnillah. Ensuite, il reviendra à la droiture, il se rappellera. Idhan al-jahil nu'allimu. Al-ghafil nuzakkiruhu. Ensuite, il reste celui qui est borné. Il reste celui qui sait la vérité mais ne veut pas l'emprunter. Ou bien celui qui a des ambiguïtés qu'il ne veut pas t'écouter. Celui-ci, tu discutes avec lui. Et tu lui ramènes les preuves. Et tu réfutes ses arguments. Ensuite, tu apportes les tiens. Puis, si Allah veut sa guider, il sera guidé. Dans le cas contraire, tu lui auras démontré la vérité. Et il n'aura pas d'excuse. Yawm al-qiyamah. Ensuite, revenons au hadith. Tu vas te rendre à un peuple des gens du livre. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِدُ اللَّهِ وَفِي رِوَيَةٍ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهِ اللَّهِ. que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'unifier Allah, d'adorer Allah d'un culte sincère. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit le témoignage de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée et Muhammad est le message d'Allah. La première chose. فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُرَكِّزُونَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ ولا يرفعون لهذا الأصل رأسا بل أكبر وأشنع من ذلك يتكلمون على من يركز على هذا الأصل سبحان الله فأي الفريق أحق بالأمن. Dans ce hadith on tire ce par quoi nous devons commencer dans la da'wah. Appeler les gens à revenir à Allah. Unifier Allah, être tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la première chose. Les non-musulmans, on commence par cela et on ne passe pas à autre chose avant qu'ils aient prononcé Ash-Shahada. Wa min al-ajab, parmi les choses les plus étonnantes que lorsqu'une personne vient et est intéressée par l'islam, on trouve des gens qui leur apprennent le wudu. Même s'il fait le wudu tous les jours. Ça va servir à quoi? C'est un mouchrik kafir. A'maluhu batila. Ou bien la salat. Ou bien il lui dit, il ne faut pas boire d'alcool. Il ne faut pas fumer. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Yahri, c'est un kafir billah. Même s'il ne boit pas d'alcool. Même s'il vient à salat al-fajr en avance. Taïb. Est-ce qu'il va tirer profit de cela? Non, tant que ce n'est pas un muslim, tant qu'il n'a pas de tawhid, il ne tirera pas profit de ça. Donc on commence par le tawhid. Ensuite, le prophète sallam nous dit: "Fa innahum ata'uka li dhalik fa'alimhum anna Allah farada 'alim khams salawat fi al-yawmi wal-layl." Ensuite, après le premier, un seul seulement la première base, s'ils t'obéissent dans cela, ils reconnaissent l'unicité d'Allah et prononcent le témoignage, enseigne-leur qu'Allah leur a donné cinq prières. Donc après le tawhid, la salat. D'accord. Maintenant qu'ils ont reconnu le التوحيد. Maintenant qu'ils prient, est-ce qu'on délaisse le tawhid? Est-ce qu'on arrête de les appeler au tawhid? Et on dit, c'est bon, ils connaissent le tawhid? Oui ou non? Là. Bel nastashib hada l'asl. Nastashib hada l'asl. Wa la nagfil an hada l'asl. Ila an nadkhula quburana. Non. S'il commence cela, tu continues encore de lui parler de tawhid. Et tu restes avec le tawhid jusqu'à ce qu'il rentre dans sa tombe ou que tu rentres toi dans ta tombe. Jusqu'à ce que l'ange vienne, jusqu'à ce que les deux anges viennent et te demandent Man rabbuk wa ma dinuk wa ma za taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Tu n'arrêtes pas. Et le tawhid ne s'arrête pas. Jusqu'à ce que tu rentres dans ta tombe et qu'on te pose les trois questions et que tu réponds convenablement. À ce moment-là, tu seras content d'avoir étudié le tawhid, de ne pas avoir été distrait de cette base. S'ils reconnaissent cela, informe-les d'une aumône que nous devons prendre auprès des riches pour la redistribuer à leurs pauvres. Jusqu'à la fin du hadith où le prophète sallam le a mis en garde contre l'injustice. Ce hadith, c'est un hadith azim. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab Mahda l'a cité dans le chapitre Ad-Da'wah ila Allah. Dans ce hadith, on nous apprend ce par quoi nous devons commencer. Et parmi les plus grandes fautes dans la da'wah, le fait d'être distrait de cette base. Et pire encore, comme j'ai dit, le fait de parler sur ceux qui veulent suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, parmi les choses les plus étonnantes, qu'on parle sur ceux qui veulent faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veulent mettre en pratique ce qu'Allah nous ordonne dans le Coran. Wallahi, les sahaba n'ont pas réussi, si ce n'est en donnant de l'importance à cette base. Qui est l'homme qui a ouvert, vu que la plupart des gens dans cette mosquée sont maghrébins, quel est l'homme qui a ouvert l'islam ou qui a ramené l'islam au Maroc? Tariq ibn Ziyad. En Libye, en Tunisie, et ainsi de suite. Tayyib. Lorsqu'il est arrivé à l'océan, avec son armée derrière lui. Wallah, une histoire ajiba qui nous montre comment est-ce que Salaf ont azzam al-tawhid. Et ils ont répandu le tawhid sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que cette da'wah-là nous ait atteinte et que nous soyons en France, subhanallah. En France. Wallahi bihamdillahi azza wa jal. Ta'allamna at-tawhid. Wa na'ishu fi at-tawhid. Wa nad'u ila at-tawhid. Wa hadha fadlullahi yu'ti man yasha. Et sans bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce tawhid-là nous est parvenu en France comme ça? Là, wallah. Il y a des hommes, je dis bien des hommes, rijal, qui ont pris cette responsabilité et qui ont répandu l'islam sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont donné de l'importance à cette base. Cet homme-là a avancé jusqu'à la mer et il était sur son cheval. Ensuite, il a fait avancer son cheval sur l'eau. Yani, il est rentré dans l'eau et il a avancé. Ensuite, le cheval, lorsque l'eau a atteint son cou, il s'est arrêté, il ne pouvait plus avancer. Alors cet homme-là s'est mis à invoquer son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, en disant Allahumma shahad bi anni qad ballaghtu al-afaq. Ya Allah, sois témoin que j'ai atteint l'horizon. La chose la plus lointaine. Yani, reste que la mer, je ne peux pas traverser la mer. Walau alimtu أناسا من وراء هذا البحر يعبدون غيرك لقطعت هذا البحر أقاتل أجاهد في سبيلك حتى لا يعبد سواك. سبحان الله. من يستطيع أن يتلفظ بهذا الكلام إلا من عمر قلبه بالتوحيد وحبه وتعظيمه وعلم أهميته. وفي رواية ولولا هذا البحر بيني وبينه لمضيت في البلاد إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. هو الله. Si j'avais su qu'il y a des gens derrière cette mer qui adorent autre que toi, j'aurais coupé cette mer et je l'aurais traversée pour aller les combattre, afin que tu sois le seul adoré sur la terre. Est-ce que ces paroles-là peuvent revenir d'une personne qui n'a pas l'importance du tawhid et qui n'a pas compris que le prêche des messagers et des prophètes et des savants après eux parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis doit être et doit reposer plutôt sur l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois connaître ce par quoi tu dois commencer. Tu dois commencer du plus important à l'important. Tu dois connaître aussi l'état de ceux à qui tu fais da'wah. L'état de soi que tu fais d'arbre. Celui qui fait des grands péchés, tu ne vas pas venir lui interdire des choses qui sont peut-être bien minimes à côté de ce qu'il fait. Celui qui est kafir, tu ne vas pas venir l'appeler aux adorations alors qu'il n'est pas encore entré dans l'islam. Et ainsi de suite. Aussi, tu dois adapter ton prêche en fonction de la personne qui se trouve en face de toi. Et on voit beaucoup de jeunes rentrer dans l'islam, bihamdillah azza wa jal, se convertir. Et on voit beaucoup de gens rentrer dans la droiture parmi les musulmans. Et malheureusement, beaucoup, après avoir goûté au goût de la foi, veulent rentrer chez eux et en une heure changer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé en 23 ans. Il rentre chez lui, il voit des photos, il dit « Ya Abi, hada haram, enlève-les, tu ne vas pas faire du shirk dans la maison, enlève les photos. » Ou il vient avec sa main, il enlève les photos. Ensuite, il voit sa sœur qui ne porte peut-être pas le hijab. Il lui dit des mauvaises paroles et il lui dit « Mais le hijab. » Ensuite, il va voir son frère qui est peut-être dans tel péché et il lui parle avec dureté et ainsi de suite. Et par sa cause, les gens ne rentreront pas dans la droiture. Là, y'a. Toi, à quel âge tu as connu la droiture? Peut-être à 20 ans, peut-être à 30 ans. Peut-être que tu as commencé la prière à tel âge et tel âge. Et tu veux venir en une heure et se changer? Non, c'est pas comme ça. Viens et fais leur connaître Allah. Qui est Allah? Cite-leur les bienfaits qu'Allah leur a donnés. Ils vont aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils vont aimer Allah subhanahu wa ta'ala, ils voudront lui obéir. Lorsqu'ils voudront lui obéir et lorsqu'ils vont connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont chercher comment se rapprocher de lui. Tu vas leur décrire le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils voudront y entrer. À ce moment-là, c'est eux qui vont venir te voir pour te demander ce qu'il faut faire. Et tu leur diras à ce moment-là les ordres et les interdits. Fais aimer Allah à ses serviteurs. Et celui qui ouvre le Coran, le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et cela met dans les cœurs l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Ar-Rahman Ar-Rahim, Cela met l'espoir dans le cœur des serviteurs d'Allah. Ensuite, Malik Yawmiddin, cela met la crainte dans le cœur des serviteurs d'Allah. À ce moment-là seulement, ils sont prêts pour adorer Allah Azza wa Jal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc cela, dans le Fatiha, il y a manhaj ad-da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les points les plus importants, as-sabr, la patience. Ad-da'wa, tu rentres dans le chemin des prophètes et des messagers. Tu portes un message qui est lourd. Et les gens en face de toi ne vont pas tous accepter. Certains vont parler sur toi. Certains vont mentir sur toi. Certains vont te critiquer. Certains vont te dénigrer. Est-ce que tu vas délaisser la da'wa pour autant? Ou bien est-ce que tu vas te corriger sur les fautes qui sont réelles et continue ta da'wa? Ou bien tu vas dire, ils parlent sur moi et moi je vais leur faire le bien, ben pour la peine je leur transmets pas la science. Non. Celui qui n'a pas de patience va abandonner la da'wa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été insulté, a été agressé. Des dents de ses dents lui ont été cassées. Des dents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son noble sang a été versé. Et pourtant, lorsqu'on est venu le voir pour anéantir son peuple, il a dit non. Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, pardonne à mon peuple. Ce sont un peuple ignorant. Ils sont ignorants. Et lorsqu'il est parti à Taïf, lorsque l'ange des montagnes est venu avec Jibril pour anéantir son peuple, il a dit non. Mais j'espère qu'Allah fera sortir de ces gens-là des gens qui adoreront Allah d'un culte sincère sans rien lui associer. Et regarde, subhanallah, au jour d'aujourd'hui, en état à Taïf, qu'est-ce qu'il y a? La réunion des plus grands savants. Quel est le fruit de cela? Quel est le fruit de cela? As-sabr ala adiyat al-tariq. Là, il y a aydan adam al-yas. Tu ne dois jamais désespérer de la guider des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait da'wa aux gens jusqu'à leur lit de mort. Wallah, jusqu'à leur lit de mort. Et on trouve certaines personnes qui font da'wa une heure et disaient, yani, c'est fini pour lui. Yani, je vais parler, il n'accepte pas. Là, patience, continue. D'ailleurs, et parmi les façons de désespérer, une façon qui peut être caché à une partie de la communauté, mais qui n'est pas caché aux gens de science et ceux qui ont pris des gens de science. C'est le fait d'innover dans la da'wa. Parmi les caractéristiques de ceux qui désespèrent de la da'wa, le fait d'innover dans la da'wa. Ils voient que les gens n'ont pas accepté leur da'wa. Alors ils se disent, je vais rajouter, je vais changer. Nuh alayhi salam a fait da'wa 950 ans sans changer la da'wa qu'Allah lui a ordonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait da'wa à son peuple pendant 10 ans à Mecca, pendant 13 ans à Mecca. Lorsqu'ils n'ont pas accepté, il a fait la hijra après l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas changé sa da'wa, il est resté sur le tawhid, sur la sunna, et il n'a pas changé la da'wa. Donc celui qui innove dans la da'wa, comme ramener des pièces de théâtre, comme inviter des gens connus, quand bien même il ferait partie des gens de l'innovation, tayyib, comme changer le langage et parler de manière vulgaire en disant « Moi, je m'adapte à mon public. » Ya akhi, si ton public, si parmi ton public, il y a des gens qui font du shirk billah, tu vas aller faire du shirk billah pour leur faire da'wah. Hakada? Là, la fin ne justifie pas les moyens. Kuffar Quraysh ont pris des intermédiaires entre eux et Allah afin qu'ils les rapprochent davantage d'Allah. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus mécréants. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit même, c'est la plus grande mécréance par laquelle Allah les a rendus mécréants. Donc reste sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur le chemin qui a été tracé dans le Coran. Et de cela, tu tires que tu as énormément besoin du Coran et de la sunna. Si tu veux que ton prêche soit en conformité avec le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te faut tes provisions. Et parmi les meilleures provisions, le fait de lire beaucoup le Coran et d'étudier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait da'wa aux jeunes juifs qui travaillaient pour lui, il lui a fait da'wa jusqu'à son lit de mort. Il lui a dit, alors qu'il était sur son lit de mort, dit la ilaha illallah. Ce jeune homme a regardé son père. Son père lui a dit, Obiya Abul Qasim. Il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et s'est réjoui de cela en disant Alhamdulillah alladhi najjahu min an-nar alladhi anqadahu bi min an-nar. Loué soit celui qui l'a sauvé, pas ma cause, du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait da'wa Abu Talib jusqu'à son lit de mort. Donc nous ne devons pas désespérer d'être la cause de la guider des gens qui sont à l'extérieur. Il y a beaucoup à dire dans ce sujet et on ne pourra pas tout développé, je vais conclure par un point très important qui nous concerne nous plus particulièrement les habitants de France. Il nous faut savoir comment appeler les non-musulmans. Souvent nous parlons de la da'wah, mais nous ne parlons pas des non-musulmans. Nous avons tous des voisins. Qui leur a déjà parlé de l'islam? Qui a déjà parlé à ses voisins de l'islam? Nous avons tous des anciennes connaissances qui étaient proches de nous à l'école. Qui leur a parlé de l'islam? Lorsque tu veux inviter une personne à l'islam, il y a un comportement à voir qui a été cité dans le Coran. Regarde l'histoire d'Ibrahim avec son père. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'an. Comment Ibrahim a parlé à son père lorsqu'il a voulu l'appeler à l'islam? Son père, sachait qu'il confectionnait les idoles et les vendait. Pourtant, oh mon cher père, comme cela, il a parlé à son père. Donc, lorsque tu fais da'wah, musulman ou un autre, tu lui parles en l'appelant, et j'ai oublié de citer ce point-là, alhamdulillah, tu l'appelles par des beaux noms. Si c'est ton fils, il y a Abunay. Si c'est son père, il y a Abadi. Le prophète dit à son épouse, ya Aish, le diminutif de Aish, ya Roulam. Aussi, tu peux le prendre par la main ou le tenir par l'épaule, comme le prophète a fait avec Ibn Omar. Ou tu attends le meilleur moment, comme quand il était avec Ibn Abbas sur la monture. Ya Roulam, inni u'allimuka kalimat. Aussi, de ce verset, on tire aussi le fait de faire des questions-réponses. C'est une des formes de da'wah. Tu poses la question à la personne, même si tu sais qu'il ignore la réponse. Taïeb. Si la personne est athée, elle ne croit pas en l'existence d'un Dieu, tu parles avec les preuves, tu vas utiliser la raison. Par exemple, tu lui dis, oh un tel, tu lui poses la question sur sa croyance. Tu lui poses la question sur sa croyance. Quelle est ta croyance? Il dira, je ne crois pas. Tu lui dis donc, tu penses que tu es venu du néant? Il dira, je ne sais pas. Ce qu'ils appellent le Big Bang ou bien autre. Explosion d'une, la collision entre deux planètes et ainsi de suite. Dis-lui, d'accord, peut-être. Tanazulan ma'ahu. Descends à son niveau et dis-lui, ces deux planètes qui se sont, ma'adha, qui se sont touchées. Qui est-ce qui les a créées? Tu me dis que nous sommes nés de deux planètes. Mais qui est-ce qui a créé ces deux planètes? Et là, tu lui auras posé une colle et il sera obligé de revenir plus loin. Tu lui dis, toi, ta propre personne. Est-ce que tu t'es créé tout seul? Ou est-ce que le néant t'a créé? Il dira, non, je ne me suis pas créé tout seul. D'accord. Pire que ça, plus loin que ça, est-ce que le néant peut créer le vivant? Non. Il reste qu'une seule solution. C'est quoi? C'est qu'il y a l'existence d'un créateur. Avec cela, tu l'appelles à reconnaître d'abord l'existence du créateur. Une autre façon, tu peux lui dire. Lui, il ne croit pas en l'existence d'un créateur. Donc, dis-lui pas, Allah dit, le prophète l'a dit, il ne croit même pas en ça. Donc, tu dois parler avec la raison pour l'amener à cela. Demande-lui une maison, un palais, orné de perles précieuses, avec un jardin dehors, où la pelouse est tondue, et ainsi de suite. D'accord? Décris-lui une belle maison. D'accord? Tu lui dis, si tu vois cela, hein, et qu'on te disait, tout cela est venu tout seul. Tout cela est venu tout seul. Qu'est-ce que tu répondrais? Une de deux choses. Soit il est bête, soit il me prend pour quelqu'un qui n'a pas de raison. Alors on lui répliquera. Tu dis cela pour une simple maison et un simple palais. Et tu ne penses pas cela de ta propre personne pour les cieux et la terre et le soleil et la lune et la pluie qui tombe et la succession des saisons et la mort d'un tel et la vie d'un tel. Tout cela c'est plus immense qu'un palais. Et avec tout cela, tu vas l'amener à reconnaître l'existence du Créateur. Et cela, on l'a fait. Et bi'idhnillah, on a vu que c'est un chemin qui porte beaucoup ses fruits. C'est un chemin qui porte beaucoup ses fruits. Et pas plus tard que, si je ne me trompe pas, la semaine dernière. Ou un peu plus, un homme que j'ai au téléphone, je lui ai demandé, est-ce que tu es musulman? Il m'a dit non. Il m'appelait, c'était l'intermédiaire entre lui et sa sœur qui avait une question. Avant de raccrocher, je lui ai posé la question car j'ai vu qu'il n'avait pas répondu à mon salam. Est-ce que tu es musulman? Il m'a dit non. Je lui ai dit, tu crois en quoi? Il m'a dit rien. J'ai dit, merci, subhanallah. Je lui dis, d'où tu viens? Et j'ai commencé à lui poser des questions. Et en lui disant ce que je vous ai dit, il m'a dit, ah, vu de cet angle-là, non. Il a reconnu en quelques minutes l'existence du Créateur. Puis il s'est posé plein de questions. Donc ça, c'est la première étape, c'est pour l'athée. Celui qui reconnaît l'existence du Créateur, tu vas utiliser ce qu'il a reconnu pour lui faire reconnaître ce qu'il a rejeté. Kuffar Quraysh ont reconnu l'existence du Créateur. Ça, ils n'ont jamais renié qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul Créateur, le seul pourvoyeur, le seul propriétaire. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Si tu leur demandes qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils répondront c'est Allah. Tayyib. Ben dans le Coran, on voit qu'Allah a utilisé ce qu'ils ont reconnu pour les réprimander devant ce qu'ils ont réfuté et leur faire reconnaître ce qu'ils ont renié. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'alakum al-ardha firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Donc Allah nous ordonne à l'ensemble des gens. Et il n'a pas dit ya ayyuhal ladhina amanu parce qu'il s'adresse à l'ensemble de ceux qui ont reconnu sa seigneurie. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Qui est votre Seigneur? Celui qui vous a créé. Et ensuite Allah a cité beaucoup de choses qu'il a fait. Donc fais-lui reconnaître cela. Lorsqu'il va dire de sa langue, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. C'est qui a créé le soleil? C'est Allah. C'est qui t'a donné ça? C'est Allah. Dis-lui pourquoi alors tu adores autre qu'Allah. Fais-lui reconnaître les bienfaits d'Allah. Puis appelle-le à être reconnaissant. Et enseigne-lui ce qu'est être un serviteur reconnaissant. Wala yarda li ibadi al-kufr. Wala in shakartu. Wala yarda li ibadi al-kufr. Wa in tashkuru yardahu lakum. Et il n'agrée pas, barakallahu fi. Il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il vous agréera. Ibn Baz, rahimallahu ta'ala, nous dit, et la tête de la reconnaissance, c'est Tawhidullah. C'est le fait d'adorer Allah dans le culte sincère. C'est lui les bienfaits d'Allah. Dis-lui, qui est-ce qui t'a donné tes yeux? La vue, lui. La famille, ta famille que t'aimes, t'es pas tout seul. T'as tes parents. C'est qui t'aime le plus au monde? Il te dira, c'est un tel. Dis-lui, qui est-ce qui a créé un tel? Qui est-ce qui t'a donné un tel? S'il te dit, c'est mon épouse, dis-lui, qui est-ce qui a créé ton épouse? Qui est-ce qui a donné? Tes enfants, qui est-ce qui te les a donnés? Le mariage ne donne pas des enfants. Un tel est marié depuis 10 ans, il n'a pas d'enfant. Toi, Allah t'a facilité un enfant. Qu'est-ce qui t'a donné cela? C'est Allah. Le soleil, qu'est-ce qu'il a créé? C'est Allah Azza wa Jalla. La terre sur laquelle tu marches qui a été aplanie, qu'est-ce qu'il a créé qui te l'a aplanie? Sur la terre sur laquelle tu as pu construire ta maison, qu'est-ce qu'il a créé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dis-lui, tu dois donc l'adorer d'un culte sincère. Et appelle-le à reconnaître l'unicité d'Allah dans l'adoration. Aussi, parmi les façons de lui faire reconnaître cela, décris-lui Allah et sa perfection. Tawhidullah bi asma'i wa sifati. Montre-lui la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Montre-lui aussi les défauts de ceux que lui adore. Qu'ils ne méritent pas l'adoration car ce sont des créatures qui sont nées, qui vont mourir, qui sont ressuscitées. Ce sont des créatures qui mangent, donc qui rentrent aux toilettes. Akramakumullah. Et avec cela, tu vas lui montrer qu'il ne mérite pas l'adoration. Lorsque tu auras fait cela, tu lui montres la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Parmi les façons de faire da'wa, at-targhib wa at-tarhib. Comment on va traduire ça? Yani, le fait d'encourager les gens en citant les récompenses qu'ils peuvent obtenir en obéissant à Allah et le fait de leur faire peur et leur montrer le châtiment qu'ils peuvent recevoir s'ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu leur parles donc du paradis et tu les invites à entrer au paradis. Et vu qu'il m'a été demandé de citer l'exemple, il y a plein d'exemples. Mais l'exemple particulier qui me tient à cœur, c'est la conversion de la mère de mon épouse. La conversion de ma belle-mère. Je lui ai parlé. Et en lui décrivant le paradis, je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas rentrer dans cette demeure et vivre éternellement dans cette demeure? Tu es fatigué de ce bas monde-là. Tu as tel problème et tel problème et tel problème. Allah t'invite à une demeure qui est comme ça. Savez-vous comment est le paradis? Elle a dit non. Et je lui ai décrit le paradis par les versets, les hadiths. Ensuite, je lui ai demandé la personne qu'elle aimait le plus. Elle a répondu sa fille. Je lui ai dit que sa fille était musulmane. Et si elle voulait la voir éternellement, il lui faut rentrer dans l'islam. Sinon, elle ira en enfer éternel. Et je continue à lui parler d'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé jusqu'à ce qu'elle a prononcé shahad. Bihamdillahi azza wa jal. Et les exemples sont nombreux. Les exemples sont nombreux. Et la mosquée d'un de nos frères a un nombre de conversions yani, immense. Bihamdillahi azza wa jal. Tayyib. En un mois, 29 personnes. Et en trois mois, combien? 115 personnes. À Maison Alfort, 115 conversions en trois mois. Et pas plus tard que vendredi, dans ma mosquée, est venu se convertir un homme de 73 ans. Espagnol qui était chrétien. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son. Luis. Luis comment? Luis Sanchez Mota. Bihamdillahi Azza wa Jal. Il est rentré à la mosquée, il a regardé la salat. Il a dit que ça lui plaisait. Et que cette religion-là l'intéresse. Expliquez. Il a dit, c'est ce que je veux, c'est ce que je recherche. Il est venu, il a fait shahad. La semaine dernière, Gilbert, 78 ans. Un frère de Nanterre, des Allahu khayran, par la cause de son épouse, nous ont appelés pour parler à cet homme-là. On a discuté avec lui. Et une question qui l'a perturbé, pourquoi est-ce que tu as été créé? Il a dit, c'est ce que je me pose depuis longtemps comme question. Je lui ai dit, la réponse elle est dans le Coran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et ensuite on a discuté avec lui 30 minutes. Et à la fin il a fait shahada. Bihamdillahi azza wa jal. Et les exemples sont nombreux. Une juive également est venue se convertir, une dame. Et les exemples sont nombreux. Dans notre ville, il y a un homme qui a une fonction dans le pays qui n'est pas très aimé. Et il déteste l'islam et c'est connu de tous. Sa fille est venue se convertir à l'islam. Sa fille est venue se convertir à l'islam. Donc ne pense pas que les ennemis de l'islam peuvent obstruer le chemin. Là, la guidée elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont essayé de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui ont cassé les idoles de leurs propres mains. Un maza 13 ans plus tard. Donc si on suit le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran et sans oublier de citer husnul khuluq ou husnul mu'amalat, le bon comportement, c'est une des plus grandes causes par lesquelles les gens rentrent dans l'islam. Parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de te parler, mais ils voient ton comportement, ils voient tes actes, el-sidq, la véracité, el-wafa, tes dignes de confiance, de dépôt, et ainsi de suite. Voici ce qui m'a été permis de vous transmettre. J'ai été long et j'ai pas eu la sagesse peut-être des grands savants dans le fait de dire beaucoup en peu de temps. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Wala ansa an ashkura man da'ani wa ta'awana ma'i fi hadhihi al-muhadara. Et j'oublie pas de remercier ceux qui m'ont invité, mon cher grand frère Abou Anes wafaqahullah, et tous ceux qui se sont entraînés avec moi, celui qui m'a accompagné, Akhil Habib, wafaqahullah, et ceux qui ont assisté avec la meilleure écoute, wafaqakumullah, jazakumullahu khayran, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.